Le journal d'internet sud-coréen Quotidien de l'Homme a inséré le 3 juin un article sous titre « Han Min-gu et l'invention de l'affaire du navire Chonan ». L'auteur a écrit que le ministre sud-coréen de la Défense nationale Han Min-gu, président du commandement des forces armées sud-coréennes d'alors, a ordonné de corriger plus de 40 éléments du rapport sur l'incident du navire Chonan et que ces ordres contiennent des points concernant la République populaire démocratique de Corée.